moins d'être un entomologiste ou un lépidoptériste confirmé, je vous mets au défi de distinguer sur une photo un papillon monarque d'un vice-roi. Et pour cause, l'un est une espèce mimétique de l'autre, une espèce qui a évolué pour ressembler le plus précisément possible dans le but de se protéger des prédateurs, puisqu'une seule des deux espèces est apparemment toxique. Mais ce n'est qu'une version du mimétisme. Il peut avoir d'autres objectifs, comme à l'inverse, d'attirer plus de pollinisateurs ou être simplement le fruit du hasard évolutif dans une même niche écologique qui aboutit à une convergence de deux espèces différentes. Mimer, c'est gagner, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions très complexes, comme vous allez l'entendre, des mécanismes de mimétisme naturel, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marianne Elias. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et Mathieu Joron, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes biologiste, directeur de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à l'Université de Montpellier. Vous nous écoutez en direct sur France Culture, en podcast également, toujours très nombreux via votre application de podcast préférée ou le site franceculture.fr, et puis comme à chaque fois en parallèle sur notre fil Twitter @laméthodefc, où nous allons poster un certain nombre d'images, d'études, bref, de compléments d'informations de ce qui va être dit tout au long de cette heure. Mais pour commencer, bien, ces mécanismes de mimétisme ont de tout temps fasciné et interrogé les naturalistes. Écoutez ce qu'en dit Jean Cazeneuve, c'est au micro de France Culture en 1964. Je crois que les phénomènes qui sont groupés sous la rubrique mimétisme animal sont fort différents les uns des autres. Il y a en effet, pour moi, une très grande différence entre, par exemple, l'animal qui prend la couleur blanche parce qu'il vit dans la neige, ou la couleur verte parce qu'il vit dans l'herbe ou sur un arbre, ou bien encore la couleur brune de la terre labourée, d'une part, et les phénomènes qui se produisent quand un animal prend l'apparence d'un autre animal, n'est-ce pas ? Par exemple, quand un coléoptère prend l'apparence d'une fourmi ou d'une abeille. Et enfin, je crois qu'il y a un autre groupe de phénomènes qui se passe quand l'animal prend une apparence terrifiante alors qu'il n'est pas dangereux, loin du monde. C'est pourquoi j'ai groupé les phénomènes du mimétisme sous trois rubriques. La première étant la rubrique du camouflage, quand l'insecte ou quand l'animal essaie de disparaître dans le décor. Le travesti, quand il essaye de ressembler à un autre animal, et enfin l'intimidation, quand il essaye de faire peur ou de paralyser l'adversaire ou la proie. Voilà, Jean Cazeneuve en 1964, au micro de France Culture. Alors, est-ce que ces catégories sont encore opérantes aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut regrouper sous l'étiquette générale ou le terme général de mimétisme ces catégories qui sont définies par Jean Cazeneuve, qui sont celles de camouflage, de travestissement et d'intimidation ? Marianne Elias. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore parler de camouflage. Déjà, une chose, en français, on emploie le mot mimétisme pour désigner beaucoup de choses différentes, donc, dont le camouflage, ce qu'il appelle travestissement et intimidation. En anglais, il me semble que le terme mimicry est restreint à d'autres choses dont on va parler prochainement. Et plutôt que travestissement, on dirait plutôt mascarade, quand donc une espèce se fait passer, entre guillemets, pour une autre espèce. Votre avis à Mathieu Joron sur ces catégories, est-ce qu'elles sont peut-être un peu dépassées ? Est-ce qu'aujourd'hui le mimétisme s'est un peu refermé peut-être autour précisément de ce qu'on appellerait le travestissement ou la mascarade ? Non, je pense que les catégories qui sont évoquées, elles ont toujours une validité dans la mesure où elles décrivent des phénomènes qu'on observe. Peut-être que une grande partie de la recherche actuelle, elle s'est beaucoup intéressée justement aux relations de mimétisme, c'est-à-dire entre espèces, où il y a une espèce qui ressemble à l'autre, et peut-être un peu moins à ce que Jean Cazeneuve appelle le camouflage. Mais dans tous les cas, en fait, nous, ce qui nous intéresse, je pense que c'est surtout ce qui rassemble ces études, qui est un peu l'étude de la sélection, comment la sélection naturelle autorise ou accompagne ou permet ce genre de changement dans la forme et dans l'apparence des animaux d'ailleurs ou des plantes aussi. Alors on va certainement plus parler des animaux parce que ce sont plus vos spécialités, mais on peut évoquer éventuellement le cas échéant, si ça vous semble justifié, des exemples végétaux. Peut-être distinguer tout de même ce qui relève à proprement parler du mimétisme et du camouflage, parce que si on peut penser que ce sont des systèmes ou des mécaniques similaires, l'objectif est très différent. Quand on se camoufle, on essaie de disparaître, alors que le mimétisme, souvent notamment sur les papillons, c'est plutôt au contraire d'apparaître, de ressembler à quelque chose de différent. Alors effectivement, oui, le camouflage, ça permet à une proie ou à un prédateur éventuellement de ne pas se faire détecter, donc dans le cas d'une proie par un prédateur et dans le cas d'un prédateur par la proie, alors que dans le cas d'une ressemblance à une autre espèce, l'espèce en question, elle est visible, mais elle n'est pas prise pour ce qu'elle est en réalité. Donc c'est des choses assez différentes. Après, je pense qu'il y a encore deux distinctions, une autre distinction à faire, mais on va peut-être y venir plus tard. Dans certains cas, donc l'espèce qui se camoufle ou qui imite une autre espèce, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, et en quelque sorte, elle trompe toujours entre guillemets le prédateur. Et dans d'autres cas, comme le mimétisme mullérien dont on va parler, quand il y a de la toxicité qui est en jeu. Cette fois-ci, les différentes espèces qui se ressemblent, elles montrent en fait, elles signalent leur toxicité au prédateur. Et il y a un avantage à ce que différentes espèces qui sont toxiques signalent de la même façon leur toxicité. On va faire évidemment le distinguo qui est très important parce que ce sont des mécaniques très distinctes à l'œuvre, Mathieu Geron. Je voulais renchérir sur ce qu'a dit Marianne. Effectivement, dans le cas du camouflage, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il n'y a pas de signal, au sens où il n'y a pas le receveur ou l'observateur ne réussit pas à distinguer la proie ou le prédateur en question, enfin l'animal camouflé. Alors que dans le cas du mimétisme ou de la mascarade, il y a effectivement une apparence qui est observée et interprétée par l'observateur. Et je pense que c'est là une différence assez fondamentale entre le camouflage et le mimétisme. Et on peut peut-être signaler tout de suite aussi que dans le mimétisme, il y a trois groupes distincts qui sont toujours mis en jeu. Il y a le modèle initial, le mime et le dupe ou le prédateur, puisque souvent, on va l'entendre, les stratégies de mimétisme sont faites pour éloigner les prédateurs. Marianne Elias. Alors, vous parlez de modèle et de mime. Parfois, il n'y a pas forcément un modèle vraiment identifié et un mime. Parfois, c'est deux espèces. On ne sait pas trop s'il y en a une qui est modèle de l'autre ou si toutes les deux convergent vers la même chose. Mais effectivement, le facteur sélectif central de tout ça, c'est les prédateurs. À quel moment historique les naturalistes commencent-ils à s'intéresser, à comprendre simplement qu'il y a mimétisme et que, par exemple, sur deux espèces de papillons qui sont extrêmement proches, eh bien, ce ne sont pas justement les mêmes espèces, Mathieu Jean. Bon, je pense que l'observation que certaines mouches ressemblent à des guêpes, ou pour citer que cet exemple, est connu depuis extrêmement longtemps. On n'a pas attendu des naturalistes pour l'observer. Mais par contre, ça a été compris peut-être et interprété comme étant un phénomène évolutif et adaptatif seulement au 19e siècle, avec les grands naturalistes qui ont commencé à signer la planète et notamment les forêts tropicales où le mimétisme est absolument omniprésent. Et en particulier, donc, il y a deux naturalistes qui ont beaucoup influencé notre compréhension du mimétisme. C'est un fameux Henry Walter Bates qui a voyagé en Amazonie avec Wallace, et un autre naturaliste qui s'appelle Fritz Müller, aussi au 19e siècle, juste une vingtaine, qui a publié ses travaux une vingtaine d'années après Bates. Bates, c'est 1842, si mes informations sont bonnes, je parle sous votre contrôle. Enfin, en tout cas, mettons milieu du 19e siècle, et effectivement, Müller, c'est plutôt vers la fin du 19e siècle. Ce qui est intéressant déjà, c'est que Bates, finalement, on pourrait dire en quelque sorte, Marianne Elias, que c'est la première confirmation, observation concrète de la théorie darwinienne. Oui, puisqu'on voit effectivement que, dans le travail de Bates, en tout cas ce qui a été publié et ce qu'on en retient beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a des espèces de papillons. Donc il a observé en fait dans la forêt amazonienne des espèces de papillons. Il a d'abord observé qu'il y avait différentes espèces qui, qui changeaient d'apparence de façon concertée dans différents sites, différentes régions. Et puis, il a observé que parmi ces espèces, il y avait des espèces qui, a priori, n'étaient pas toxiques et d'autres qui étaient toxiques. Et que les espèces pas toxiques, elles avaient la même apparence que les espèces toxiques. Et donc ça s'interprète par de la sélection naturelle qui favorise une ressemblance des espèces non toxiques à des espèces toxiques, de sorte que les prédateurs n'attaquent pas non plus les espèces non toxiques, puisqu'ils les prennent pour des espèces toxiques. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on va appeler suite à Bates, le mimétisme batésien, alors que le mimétisme mullérien, Mathieu Joron, est un autre type de mimétisme qui, là, on pourrait plus parler de convergence évolutive. Oui, alors en fait, on ne sait pas trop, c'est pas toujours, disons, par rapport à la convergence, mais il y a au moins une convergence d'intérêts entre les deux espèces qui se miment entre elles. C'est comme pour ça qu'on parle souvent de mutualisme. Et ça a été donc décrit par Fritz Müller, qui avait compris que les deux espèces toxiques, bien qu'elles puissent chacune afficher un signal différent et être compris, être apprises des prédateurs, les deux espèces ont intérêt à utiliser le même signal, la même apparence. L'explication, c'est que chaque espèce bénéficie de l'expérience des prédateurs sur l'autre espèce, puisque la plupart de ces proies-là sont en général goûtées par les prédateurs et n'en sortent pas indemnes, ni les prédateurs d'ailleurs, ni la proie, et donc les proies qui éduquent les prédateurs naïfs, donc peut-être les prédateurs jeunes ou les expérimentateurs, ces proies-là, elles vont probablement mourir ou en tout cas être en sortir donc pas indemnes. Et donc là, la théorie veut que... D'ailleurs, c'est ce que Fritz Müller a bien expliqué dans sa publication au XIXe siècle, par un des premiers modèles mathématiques d'ailleurs en sciences naturelles. Mmh. Il a montré que les deux espèces bénéficiaient en quelque sorte de leur ressemblance à l'autre. Mmh. C'est... Oui. Oui, si je peux juste ajouter quelque chose, sûr, qui n'est peut-être pas très clair, c'est que là on parle d'espèces qui sont toxiques, de papillons qui sont toxiques, mais c'est pas une toxicité qui tue les prédateurs. Ils ont mauvais goût, peut-être ça leur donne mal au ventre. On voit des photos par exemple de geais qui vomissent après avoir mangé un monarque, mais ça les tue pas. Et ça, c'est essentiel dans le processus de sélection, puisque la façon dont ça se passe, c'est qu'une fois qu'un prédateur a goûté à une proie qui était mauvaise ou qui l'a rendu malade, peut-être que ça prend plusieurs essais, mais en tout cas, au bout d'un moment, il a compris qu'il ne faut plus qu'il en mange, et du coup, il arrête d'en manger. Et donc, plus le nombre de prédateurs éduqués est grand, moins il y a d'attaques sur ces papillons. Ces travaux de Bates et Müller sont liés effectivement à des explorations de la forêt amazonienne, c'est-à-dire qu'il y a des biotopes qui sont plus propices à provoquer du mimétisme pour un certain nombre de raisons qu'on pourra expliquer plus tard que d'autres, en particulier Marianne Elias. Alors, vaste question. Il se trouve que c'est souvent des biotopes où il y a une grande diversité à la fois de proies et de prédateurs potentiels. Et peut-être que ça peut expliquer qu'il y a une diversité de stratégies peut-être plus importante que dans d'autres biotopes. Après, je pense qu'on ne connaît pas forcément très très bien le mimétisme. Il est bien caractérisé pour certains groupes, mais il y a énormément d'espèces pour lesquelles on soupçonne une sorte de mimétisme, pas forcément lié d'ailleurs à la toxicité, y compris chez des papillons européens. Parfois, il y a des ressemblances frappantes. C'est vrai que ça n'a pas trop attiré d'attention, mais peut-être qu'il y a aussi du mimétisme qu'on ne soupçonne pas dans d'autres biotopes et sous d'autres latitudes. Il peut y avoir aussi un effet simplement statistique, c'est que ce sont effectivement des biotopes où il y a une énorme diversité et en quantité d'espèces et en quantité d'individus, et que forcément, de facto, c'est des endroits où l'évolution est plus apparente. Ne serait-ce que statistiquement, Mathieu Joron. Oui, c'est intéressant. Il faut toujours avoir ça à l'esprit, que parfois on détecte plus de choses sous les tropiques simplement parce qu'il y a plus de chances qu'on les détecte. Parce qu'il y a beaucoup plus de cas. On a beaucoup plus de cas d'études sous les yeux. Mais il y a quand même beaucoup de mimétisme sous les latitudes tempérées. Par exemple, entre les coccinelles et beaucoup d'autres insectes, les coccinelles sont toxiques, ou en tout cas, elles ont un mauvais goût. N'importe qui a manipulé une coccinelle s'est retrouvé avec ce petit liquide jaune et nauséabond sur les doigts. Et c'est effectivement c'est des composés cyanogéniques qui sont toxiques ou en tout cas mauvais goût. Et puis on peut dire rapidement, même si on va en parler moins, il y a d'autres types de mimétisme. On parle de mimétisme hémcélien ou mertésien. Qui veut Mathieu Joron me dire un mot? Ça c'est un peu plus complexe, mais juste en dire un mot, même si on y passe moins de temps que sur les deux principales catégories. Moi, je suis pas très familier de ces catégorisations, en fait, pour être très honnête. Mais il me semble que c'est le mimétisme qu'on aurait tendance à dire à l'envers, où c'est l'espèce la moins toxique qui semble être le modèle et la plus toxique qui est le mime. Alors ça peut arriver, c'est observé dans quelques cas et on sait pas trop bien l'expliquer. Mais en fait, il faut voir que dans une relation entre deux espèces qui se miment entre elles et qui ont des toxicités qui éduquent les prédateurs, l'espèce qui éduque le plus souvent les prédateurs, c'est celle qui est la plus nombreuse avant tout. Et donc il y a un jeu en fait entre le niveau de toxicité et l'abondance des individus qui est en fait c'est ce jeu-là qui va vraiment déterminer l'éducation des prédateurs. Donc on peut être dans certains cas où l'espèce la moins toxique peut être la plus nombreuse et peut-être être le modèle entre guillemets. Un mot peut-être juste pour compléter sur ce modèle-là, Marianne Elias. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que je pense que les abondances, elles peuvent aussi varier, enfin ça peut fluctuer, parfois on a une espèce qui est très abondante et puis plus tard elle sera peut-être moins abondante que l'autre espèce, et que je sais pas à quel point c'est pertinent vraiment de, enfin je pense que c'est intéressant évidemment de caractériser ce type d'interaction. Mais je pense que les rôles des deux espèces peuvent varier en fait au cours du temps. Oui, c'est des mimétismes qu'on retrouve surtout chez les amphibiens et les reptiles. Oui. On va pas s'attarder dessus. On va revenir sur nos deux catégories qui, elles, sont bien connues. Vous allez voir qu'il y a quand même encore quelques questions. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de mimétisme principalement dans le monde animal tout au long de cette heure en compagnie de Marianne Elias et de Mathieu Joron. Alors on l'a dit à l'instant, hein, deux grands types de mimétisme, le batésien et le mullérien. On va commencer par le premier. Finalement, est-ce que ce mimétisme batésien, ça n'est pas une forme en quelque sorte de parasitisme externe, Mathieu Joron? Oui, complètement. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on le formalise en biologie. C'est effectivement l'espèce non toxique et peut être considérée comme un parasite de l'espèce toxique. Elle parasite son signal de toxicité. Et effectivement, une des façons de le mettre en évidence, cette relation-là, c'est de voir si on a par exemple, dans des expériences en laboratoire, est-ce qu'on a une plus d'attaque sur l'ensemble mime plus modèle par tête de pipe qu'on aurait par si on proposait seulement les modèles aux prédateurs expérimentaux, par exemple. À ce moment-là, on peut démontrer, d'ailleurs ça se démontre très bien, beaucoup d'expériences qui le prouvent, que le modèle, l'espèce toxique, reçoit plus d'attaques quand elle est associée à un mime batésien que quand elle est toute seule. Alors justement, qu'est-ce que ça peut changer dans le rapport qu'entretiennent ces trois groupes, c'est-à-dire le mime, le modèle et le dupe? Parce que le dupe, du coup, va se dire « Ah bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à faire un peu de formalisme quand on parle d'évolution, de finalisme, pardon, c'est de se dire « Ah ben, les oiseaux apprennent, donc ils n'attaquent plus du tout ce type de papillon. » Sauf que cette mémoire-là, elle ne se transmet pas a priori ou très peu d'une génération à l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des essais. Comment est-ce que ça fait évoluer ces rapports entre ces trois groupes, Marianne Elias? Peut-être pour rebondir un peu sur ce que disait Mathieu, le fait que les modèles toxiques subissent plus d'attaques quand ils sont en présence de mimes batésiens, c'est lié au fait que les prédateurs mettent plus de temps à apprendre à éviter la proie, puisque parfois ils tombent sur quelque chose qui est comestible, donc ils ont envie d'essayer encore. Et du coup, comme vous l'avez dit, c'est une sorte de parasite finalement du mimétisme, enfin du modèle. Oui, du modèle. J'allais dire aposématisme, mais on n'a pas défini ce terme. Vous pouvez le dire, alors. L'aposématisme, en fait, c'est le fait de signaler une toxicité ou éventuellement une venimosité ou avec un signal qui peut être un signal coloré, ça peut être un signal sonore ou autre chose. Souvent, et on peut le dire, il faut des gens qui sont déjà un peu allés se balader dans la jungle. C'est vrai que dans la jungle, on dit toujours, faites attention, plus c'est coloré, plus c'est dangereux, ou en tout cas, plus c'est coloré, moins il faut y aller. Voilà. Ah. Et donc, c'est clair que donc, les mimes batésiens, ça impose un coût à leurs modèles qui sont eux-mêmes toxiques. On suppose, moi je ne connais pas très bien, mais peut-être Mathieu tu pourras en dire plus là-dessus, que parfois ça peut être avantageux pour un papillon toxique carrément de changer de signal d'avertissement, si la pression en fait des mimes batésiens est trop forte. Et puis le mimétisme batésien a un effet aussi, on peut dire, rétroactif sur lui-même, puisque bah, c'est pareil, c'est avantageux en fait pour un mime batésien d'être en faible quantité, parce que plus il est abondant, bah, plus ça va prendre de temps pour que les prédateurs apprennent à éviter globalement le signal qu'ils ont. Et ça, par contre, on observe vraiment chez la plupart des mimes batésiens ce qu'on appelle du polymorphisme. Ça veut dire que dans une même population, il y a différentes formes, différentes apparences. Donc en général, on peut avoir différents groupes mimétiques avec différents... Par exemple, si on prend un exemple de papillon, ben, on peut avoir des papillons rouges, des papillons jaunes, etc. Souvent, ce sont des espèces différentes quand il s'agit d'espèces toxiques. Et les espèces qui ne sont pas toxiques, donc les mimes batésiens, souvent, on peut avoir des formes qui sont rouges et des formes qui sont jaunes, par exemple. Ce qui permet en fait de diviser le nombre d'individus dans chaque catégorie. Et donc finalement, le poids, le parasitisme est diminué, mais c'est pas ça qui... Enfin, le mécanisme en fait qui aboutit à cette diversification de formes chez les mimes batésiens, c'est qu'eux-mêmes, ils souffrent une mortalité moindre s'ils sont moins nombreux. Bien sûr. Un mot justement, Mathieu Joron, à ce propos. Je voulais rebondir là-dessus aussi, par rapport aussi aux prédateurs. En fait, les prédateurs qui sont un peu les agents sélectifs sur le système, effectivement, donc ils apprennent au cours de leur vie à distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais à manger. C'est très important pour eux. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que les prédateurs ont énormément intérêt à être sûrs de leur connaissance. Et en fait, la plupart des insectivores, on essaye beaucoup de proies, même celles dont ils ont déjà une connaissance comme étant toxiques. Mais si c'est une proie qui est très commune, ils ont intérêt à vérifier de temps en temps que, par exemple, ça n'a pas changé ou qu'il n'y en aurait pas des mimes batésiens qui se cachent dans le lot. Donc ils ont besoin de confirmer leur connaissance en permanence. Et en plus de ça, bon, bah, il y a évidemment les prédateurs naïfs qui, à chaque génération, naissent et doivent apprendre à découvrir par eux-mêmes ce qui est comestible et ce qui n'est pas toxique. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste de facto à une forme de coévolution entre le mime et son modèle, puisque si à un moment donné le modèle se trouve obligé de changer parce qu'il est mis en danger par le mime, et bien du coup le mime va lui aussi pouvoir suivre cette évolution, et c'est un peu une sorte de course évolutive sans fin, non ? Marianne Elias. Oui, sans doute. Enfin, oui, bien sûr. Les mimes batésiens, de toute façon, comme eux-mêmes ne sont pas défendus et que leur seule stratégie de défense, c'est de ressembler à quelque chose qui est toxique, il faut absolument qu'ils leur ressemblent. Donc, s'il y a un changement, que ce soit aussi lié à un changement d'habitat ou autre chose, ou simplement la population du modèle évolue en réponse à la pression du parasitisme du mime batésien, il va y avoir une sélection pour qu'ils évoluent aussi dans le même sens. Quand on parle d'évolution, on se dit toujours que ce sont des mécanismes qui sont sur des temps très longs. En l'occurrence, pour le coup, ça peut se passer à l'échelle de quelques générations, je crois. Non, Mathieu Joron, ça peut aller assez vite, ces modifications, parfois même en fonction de l'habitat. On en fait souvent parler aussi ici de la Falaise du Bouleau à Londres pendant la Révolution industrielle, qui était gris clair et qui, en se posant sur le bouleau qui était noirci par la suie, se faisait plus manger. On voit que là-dessus, alors là, c'est pas une question de prédation, c'est une question d'évolution vraiment à proprement parler, mais qui va très vite sur très peu de générations. Oui, il faut voir que dans le cas de la Falaise du Bouleau, par exemple, là, on a une évolution sur vraiment en quelques dizaines d'années, dans un sens et dans l'autre. D'ailleurs, il y a eu une augmentation de la forme noire mieux camouflée sur les troncs dans les régions polluées, et qui ensuite, lorsque la pollution a baissé et que les troncs sont redevenus blancs, la forme blanche a réenvahi en quelque sorte les populations, et tout ça en quelques générations, effectivement. Donc, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui détermine la rapidité de ça, c'est vraiment la force de la sélection naturelle. Donc c'est en gros le ratio entre le taux de prédation avec ou sans l'apparence protectrice. Ce qui a peut-être aidé aussi dans ce cas-là, c'est que c'était une mutation ponctuelle sur un gène. Et du coup, la mutation a pu se propager aussi très rapidement. Il n'y a pas besoin de recombiner différentes choses. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que l'avantage de cette mutation était absolument énorme. Oui. D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on observe. Donc là, on est dans du camouflage. Hein. C'est un phénomène qu'on observe chez énormément énormément de papillons de nuit, dont la survie dépend de leur camouflage pendant la journée. Donc leur survie par rapport aux prédateurs visuels dépend du fait d'être invisible. Et il y a énormément de formes mélaniques, enfin il y a énormément d'espèces de papillons de nuit qui ont des formes mélaniques, donc des formes noires, qui ont toutes augmenté d'ailleurs pendant la révolution industrielle, et qui ont toutes rediminué après. Alors c'est très connu chez la phalène du bouleau. Ça a été étudié très en détail et on connaît même la mutation génétique qui fait ça, mais ça a été observé chez beaucoup d'autres espèces. Mmh. Alors justement, c'est intéressant aussi pour ces questions de mimétisme batésien, c'est qu'on sait, puisqu'on parle de génétique, que bien à chaque nouvelle génération, il y a une forme de brassage génétique, que le brassage génétique conduit à la modification des caractères. Or, quand on regarde les mimes batésiens, on se rend compte que les caractères perdurent dans le temps, c'est-à-dire qu'ils se fixent, les caractères génétiques se fixent et qu'ils évoluent quasiment pas, très peu. Comment est-ce que ces populations-là réussissent finalement à ne pas varier d'un individu à l'autre et à ne pas avoir de variation génétique qui est la variation classique de recombinaison au moment de la reproduction sexuée? Alors je vais faire juste un petit point sur... Même un point historique, en fait, sur la façon dont le mimétisme batésien et même le mimétisme en général a été détecté par Bates en Amazonie, c'est que donc avec son compagnon Wallace, ils ont voyagé dans toute l'Amazonie, enfin dans beaucoup de parties de l'Amazonie, et ils ont remarqué que les mêmes espèces de papillons changeaient d'apparence ensemble, donc de conserve. Deux espèces, par exemple, mimétiques dans un endroit, continuaient à être mimétiques dans un autre endroit, même si elles et en changeant toutes les deux d'apparence. Et ils ont observé ça de manière répétée, et c'est ça qui les a fait remarquer qu'il y avait quelque chose très important dans leur ressemblance. Et c'est la ressemblance elle-même qui est sous sélection naturelle, et c'est comme ça qu'il a développé sa théorie. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, on se retrouve avec des espèces qui peuvent se croiser et qui montrent des caractères très différents. On a des formes géographiques, par exemple, deux formes d'une même espèce dans deux régions différentes qui montrent des apparences très différentes. Et donc, on peut les croiser et on peut regarder la génétique, on peut faire l'étude génétique de cette variation de coloration. Et effectivement, on se rend compte que si on les croise, dans certains cas, on peut obtenir un mélange des caractères comme on s'attendrait dans le cas de la variation géographique, par exemple, mais aussi dans les cas donc des espèces que Marianne mentionnait tout à l'heure qui montrent un polymorphisme, c'est-à-dire qu'elles montrent deux formes différentes dans une même population, ces formes-là se croisent tout le temps. Et quand on étudie leur génétique, on se rend compte que les caractères ne se mélangent pas, en fait. Les individus de deux formes différentes se reproduisent entre elles et donnent des descendants qui ressemblent à l'un ou l'autre. Des parents, mais ne forment pas de métissage, en fait. Et donc ça, c'est effectivement très intéressant, à la fois d'un point de vue génétique, parce qu'on peut se demander dans la structure génétique, dans l'architecture génétique, qu'est-ce qui détermine ça, mais aussi d'un point de vue évolutif, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une apparence à l'autre, s'il faut plusieurs mutations, une seule mutation, un seul gène ou plusieurs gènes qui varient ensemble. Et on a quelques éléments de réponse à cette question-là, Mathieu Jaron. On sait un peu qu'on a en fait des espèces de blocs de gènes qui sont transmis tels quels sans subir aucune forme de recombinaison d'une génération à l'autre. Alors ça, c'est vrai dans certains cas et ça reste aussi un mystère dans d'autres cas, en quelque sorte. Expliquez-nous. Le mystère, c'est comment on fait pour faire une nouvelle forme qui mérite, qui nécessite plusieurs mutations ensemble, qui ne marchent qu'ensemble. Donc là, ce qu'on appelle des supergènes. Alors tout simplement, la variation nécessite plusieurs mutations dans plusieurs gènes différents. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une forme à l'autre? Est-ce qu'il faut trois mutations d'un coup? Ça n'arrive jamais. Donc, d'un point de vue évolutif, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces trois mutations d'un coup? Et en fait, c'est une question qui est pas complètement résolu, parce que du point de vue de la sélection naturelle, un variant qui n'aurait qu'une mutation et qui ressemblerait qu'à moitié au modèle qui pourrait mimer, ça marchera pas. Oui. Cet individu ne va pas marcher, ne va pas convaincre les prédateurs et il va être le premier à mourir. Donc ça marche pas comme ça. Donc d'un point de vue évolutif, faire un saut évolutif qui nécessite plusieurs mutations d'un coup, c'est pas encore complètement expliqué. D'ailleurs, on pense qu'il peut y avoir des recombinaisons entre des formes géographiques différentes qui vont en quelque sorte accumuler des différences indépendamment les unes des autres. Donc ça peut être des choses comme ça. Ça c'est une option quand les gènes sont surtout sur des chromosomes différents, voilà. Donc ce sont vraiment des gènes différents qui sont répartis sur l'ensemble du génome. Moi je m'intéresse particulièrement à cette espèce de papillon qui montre un polymorphisme, et donc des formes très différentes, mais en coexistence dans les mêmes populations. C'est-à-dire que les individus d'apparence très différente, donc avec beaucoup de caractères qui varient entre eux, sont dans la même population, se croisent tout le temps ensemble et obtiennent des descendants qui ne sont pas métissés. Et c'est quelque chose qu'on cherche à expliquer. Donc on a montré que dans ce cas-là, c'était effectivement, comme vous avez dit, on avait un super gène, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs gènes les uns à côté des autres, en forte liaison génétique sur le chromosome, mais qui peuvent être dans une orientation et ça donne une forme, ou qui peuvent être dans une autre orientation et ça donne une autre forme sur le chromosome. Donc ces blocs de gènes se comportent finalement sont hérités comme un seul gène à la faveur de cette inversion chromosomique qui permet en quelque sorte d'expliquer que les gènes ne se métissent pas, les chromosomes ne recombinent pas, ne mélangent pas leurs caractères. Donc chaque chromosome garde toujours la bonne combinaison de caractères qui mime soit un modèle, soit un autre. On a ce modèle-là chez le papillon. On parle beaucoup de papillons depuis tout à l'heure. C'est vrai particulièrement parce que on a étudié ces populations animales-là, etc. Ou est-ce qu'on retrouve ces mêmes systèmes de mimétisme chez d'autres types d'animaux, chez d'autres types d'animaux vertébrés? Ou est-ce que c'est vraiment des traits qui sont très particuliers aux insectes, Marianne Elias? Non, on peut trouver aussi le mimétisme batésien et mullérien chez d'autres animaux, par exemple chez des grenouilles, chez les amphibiens, chez des reptiles, chez des poissons. Toi, tu parlais de plantes tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des cas aussi chez les plantes. Ils sont peut-être moins bien connus. Oui, il existe des formes de mimétisme documentées chez certaines plantes épineuses qui peuvent avoir plus ou moins de... qui possèdent des défenses en fait physiques. Alors, on ne parle pas forcément de toxicité dans ce cas-là. Mais on a aussi des phénomènes de mimétisme, et là je le mets entre guillemets, entre les plantes qui cherchent à attirer des pollinisateurs. Donc on a aussi une compétition à l'inverse pour et pas contre. Peut-être un mutualisme, c'est-à-dire qu'on peut avoir intérêt à, notamment il y a certains types de plantes qui ne produisent aucun nectar, et donc si elles étaient toutes seules, elles ne seraient jamais visitées par les pollinisateurs, et elles bénéficient de leur ressemblance, en fait elles miment des fleurs avec nectar, donc les pollinisateurs apprennent à visiter les plantes à nectar, mais vont visiter aussi celles qui n'ont pas de nectar. Et donc là, on est dans un système un peu comme un mimétisme batésien, où la plante sans nectar est un parasite de l'apparence des fleurs avec nectar. Et avec une question qui est celle de l'absence d'organes de perception visuelle, là. Parce que sur des insectes, ou en tout cas, il y a une forme de perception visuelle dont on peut imaginer qu'elle a une influence. Non, pas du tout, je me trompe? Aussi. Alors en fait, oui, quand on parle de mimétisme, en fait, les proies n'ont pas forcément, entre guillemets, conscience de leur propre apparence. Elles ne se regardent pas, par exemple, les papillons ne se regardent pas les ailes eux-mêmes pour savoir s'ils ressemblent bien. Non. C'est la sélection naturelle qui fait tout le travail, et c'est juste les caractères qu'ils portent qui leur confèrent une survie plus ou moins grande. Donc chez les fleurs, c'est exactement la même chose, en quelque sorte. Il n'y a pas besoin qu'elles-mêmes voient. Par contre, ces signaux visuels que portent par exemple les insectes peuvent être utilisés aussi comme signaux sexuels intraspécifiques qui n'ont rien à voir avec la toxicité, avec les prédateurs. Mais c'est autre chose. Sur cette question, Marianne? Oui, non, je pense que c'était... T'as bien répondu, oui. J'ai bien répondu. T'as bien répondu. I live for a short time. let you, what to do? Can you cross that line? Bring the Mimicry de The Feather sur France Culture à 16h36, puisque c'est ce dont nous parlons tout au long de cette heure, du mimétisme dans le monde principalement animal. Nous en parlons avec Marianne Elias, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle, et avec Mathieu Geron, qui est biologiste, directeur de recherche CNRS au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à l'Université de Montpellier. Alors, on a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission du mimétisme batésien. L'autre grande branche du mimétisme animal, c'est le mimétisme mullérien, une forme là de coévolution qui conduit non plus une espèce mimée, une espèce modèle à se ressembler, mais qui conduit des espèces distinctes à adopter les mêmes traits, souvent pour se prémunir, là aussi, de prédateurs similaires. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ouais, ce mimétisme mullérien, il est encore mal compris, il pose beaucoup de questions. Vous êtes rendu au Muséum National d'Histoire Naturelle, justement, pour comprendre de quelle façon on l'étudie. Oui, on l'étudie sur le cas des papillons d'Amazonie du groupe Heliconus. Ce sont des papillons mimétiques toxiques pour les prédateurs, donc les oiseaux essentiellement. Pour acquérir cette défense chimique, ils ont convergé au fil de l'évolution pour se ressembler. Même couleur, même motif. Alors dans le principe, ce type de mimétisme est bien connu, mais c'est l'origine qu'on a du mal à déterminer. On ne sait pas bien comment la sélection naturelle a favorisé ce rapprochement. Violaine Laurence, chercheuse CNRS, et sa doctorante Ombline Sculfort étudient ce problème à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité. Dans mon équipe, on s'intéresse beaucoup à des questions de mimétisme, et notamment de mimétisme mullérien. Alors, qu'est-ce que c'est le mimétisme mullérien ? C'est quand on a plusieurs espèces qui vont présenter des défenses, des moyens de défense, notamment des défenses chimiques. Et ce qu'on observe chez ces espèces, c'est ce qu'on appelle des convergences évolutives, c'est-à-dire qu'elles vont partager une apparence commune, notamment des colorations de couleurs très vives, par exemple, ou des motifs très proches. Donc on parle de convergence évolutive souvent, parce que c'est des espèces qui sont éloignées, mais du point de vue de leur apparence, elles vont être très similaires. Comment vous étudiez ici ces deux espèces de papillons divergentes, avec quels instruments, quel type d'analyse ? C'est ça. Alors donc c'est très important de comprendre les variations des défenses chimiques, parce que ça va beaucoup jouer sur la dynamique de cette convergence et le régime de sélection dans lequel on va être. Est-ce qu'on va être plutôt dans la sélection fréquence dépendante positive ou fréquence dépendante négative ? Et ça va avoir des conséquences sur la manière dont va évoluer ou vont évoluer les motifs dans les différentes populations et dans les différentes espèces. Donc là, je vais vous présenter une de mes des étudiantes en thèse qui travaillent sur l'évolution des défenses chimiques dans le genre Heliconus. Donc elle, ce qui l'intéresse, c'est de comparer les variations de toxicité ou de toxines dans les différentes espèces du genre. Donc concrètement, comment elle fait ça, Amblin ? Donc elle a fait toute une phase où elle a récolté des papillons sur le terrain. Elle a beaucoup travaillé au Pérou, parce que c'est une zone en fait de transition entre les Andes et l'Amazonie. Donc on a beaucoup de changements de végétation et aussi de changements d'espèces, ou au sein d'une espèce, on a aussi des changements de motifs. Donc une grosse variabilité au sein d'une population. Voilà, donc c'est un endroit un peu stratégique pour à la fois récolter pas mal d'espèces et pas mal de populations d'une même espèce, mais qui présentent des motifs différents. La manip que donc vous allez voir là, c'est la manip d'extraction des composés de type glucosylcénogène à partir du tube dans lequel Amblin a mis son papillon sur le terrain. Donc on dissèque les ailes et on extrait les pigments. Elle va vous montrer. Donc là en fait on est au département chimie. Voilà, on passe au département chimie du muséum. Bonjour. Donc Amblin Sculfort, je suis en troisième année de thèse bientôt et j'étudie l'évolution de la toxicité chez les papillons d'Amazonie des Heliconini. Donc j'ai mon petit papillon qui est dans le méthanol quand je reviens du Pérou. Alors mes papillons, quand je suis sur le terrain, je les mets dans du méthanol, seulement le corps est préservé dans du méthanol et ensuite les ailes sont conservées à sec dans une petite enveloppe. Donc la première étape, c'est tout d'abord d'évaporer le méthanol dans lequel le papillon était préservé. Ensuite au laboratoire au muséum à Paris, je vais évaporer ce méthanol, donc je vais avoir le papillon sec. Et je vais ensuite prendre ce papillon sec avec les ailes qui, elles, étaient conservées dans une enveloppe. Je vais le broyer. Donc là, vous introduisez les ailes dans le mortier ? Oui, dans un mortier en verre. Ensuite, on met de l'azote liquide. Donc ça refroidit. Ça boule, on dirait. Oui, puisque l'azote est liquide à entre moins 210 degrés et moins 195 degrés à peu près. Et en fait, le bruit qu'on entend, c'est l'azote qui se réchauffe et qui s'évapore petit à petit. Donc ça va très vite. L'azote a complètement disparu, il s'est évaporé. Et il me reste le papillon en miettes que je broie avec beaucoup de précautions. C'est important en fait d'avoir le poids du papillon. Quand on va comparer les différents individus et leur niveau de toxicité, on va faire toujours des mesures en nanogrammes de toxine par microgramme de papillon. On ramène toujours à la masse sèche de l'individu. Donc là, on passe à la pesée. Oui. J'ai introduit la poudre de papillon dans le tube. Ok. Donc là, on a un papillon qui fait 54,1 mg sec. Alors, je le note. Donc là, on est dans la moyenne de tous les papillons que vous avez pu peser. Oui, là, c'est une bonne moyenne. Ensuite, dans cette poudre, j'ajoute du méthanol. Le méthanol, c'est un alcool parce que c'est un très bon solvant. Ce qui va permettre de bien pouvoir séparer les différents composés, en fait. En fait, ça va me permettre d'extraire mes toxines. Et cette chromatographie, elle est couplée à un spectromètre de masse. Alors le spectromètre de masse va ioniser les molécules qui sont présentes dans le mélange. Je vais obtenir un rapport masse de l'ion sur la charge de l'ion. Et ce rapport masse sur charge va me permettre d'avoir la masse molaire de chaque molécule. Je vais analyser ensuite mon jus de papillon, en quelque sorte, avec une machine qui s'appelle la LC-MS-MS, et ça va me permettre de séparer les molécules qu'il y a dans mon mélange et de les identifier. En fait, ça va nous renseigner sur la dynamique de la convergence, justement toutes les questions que vous me posiez, qui est le mime, qui est le modèle, à quel point au sein d'un cercle mimétique, on a des toxicités qui sont proches. Quand je dis toxicité, c'est est-ce qu'ils partagent les mêmes toxines, mais aussi est-ce que la concentration en toxine totale, elle est très différente entre individus, et à quel point ça, c'est relié, ça peut être différent entre cercles mimétiques, entre espèces qui partagent le même motif, et aussi à quel point ça peut être relié à l'abondance. Et ça nous permet aussi de faire le lien entre l'évolution du motif et l'évolution de la toxicité, et nous faire un peu aussi le lien avec ce que je vous ai les différents étages, c'est-à-dire l'adaptation à la plante hôte, les cercles mythiques et au-dessus le comportement des prédateurs. Voilà le reportage du jour. Vous connaissez ces voix, en tout cas mes invités les connaissent, puisque ce sont vos collègues. Marianne Elias, une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Donc, comme mes collègues l'ont bien expliqué, c'est vraiment essentiel de s'intéresser à la toxicité quand on s'intéresse au mimétisme. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine quand on classe le mimétisme entre mullérien et batésien. En fait, batésien, on entend du mimétisme entre, donc, on l'a déjà dit, une espèce qui n'est pas toxique envers une espèce qui est toxique. Mais mullérien, il y a une idée derrière de mutualisme, de bénéfice mutuel. Et donc, intuitivement, on a tendance à se dire ils sont toxiques à peu près de la même façon. Mm-hmm. En fait, dans la réalité, il y a des différences de toxicité. Et puis, dans un couple d'espèces mimétiques, toutes les deux toxiques, on peut avoir des différences de toxicité. Et donc, il y a des débats vifs, hein, depuis des années d'ailleurs, entre différentes personnes et parfois de certaines personnes avec elles-mêmes à certaines années d'intervalle, avec des expériences contradictoires. Mais en tout cas, voilà, il y a un terme qui a été introduit, le terme de mimétisme quasi-batésien, qui désigne les cas où il y a deux espèces mimétiques qui ont toutes les deux des toxines, mais une a beaucoup plus de toxines que l'autre. Et donc, la question, c'est est-ce que celle qui a moins de toxines, elle est parasite de la première, donc est-ce qu'elle se comporte plutôt en mime batésien, donc comme le disait Mathieu, est-ce qu'elle porte préjudice en mise en présence d'un prédateur, est-ce que le prédateur va attaquer plus le modèle le plus toxique, ou au contraire, est-ce que finalement ça contribue quand même à renforcer le signal, sachant qu'elle est quand même un peu toxique. Et donc comme je le disais, y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites, des modèles mathématiques et toutes sortes de choses. Et les résultats sont contradictoires, et en fait on pense que ça dépend aussi d'autres paramètres, ça dépend aussi de l'abondance de chacune des deux espèces. Une espèce moins toxique mais bien plus abondante, elle va beaucoup contribuer à l'apprentissage des prédateurs, donc elle peut avoir un effet très positif sur une espèce plus rare et plus toxique. Et puis ça peut dépendre aussi de l'état de satiété des prédateurs. S'il y a beaucoup d'autres choses à manger, le prédateur est peut-être pas très regardant et il préfère tout éviter de toute façon. S'il a extrêmement faim, il va être beaucoup plus pointilleux et il va peut-être manger des choses faiblement toxiques, mais qui lui apportent quand même de l'énergie. Donc c'est quelque chose de très très complexe. Et donc le travail qui est effectué là, ça vise vraiment à caractériser ces variations de toxicité. Mathieu Geroin, une réaction aussi à ce reportage et à la manière d'étude, et finalement assez ce flou un peu, hein, qui est entre ces deux catégories qu'on avait l'air de penser au début de cette émission comme bien définies et qui se chevauchent certainement un peu plus que ce qui n'y paraît jusqu'à présent. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par un livre de Paul Smart, c'était sur les papillons, et il parlait notamment de ce papillon qui était assez toxique pour tuer 7 chats. Ça m'avait toujours fasciné, cette mesure de toxicité, du nombre de chats qu'on peut tuer avec un papillon. Donc je pense que Viola Liorens et ses collègues font un travail beaucoup plus en détail là-dessus, et donc quantifier vraiment finement les toxines et leur concentration, et étudier ça chez beaucoup d'espèces, c'est vraiment important. Ce que je voulais aussi dire, c'est que, en fait, par rapport à le mimétisme marche dans la mesure où on présente à un prédateur des signaux qu'ils associent, d'après leur expérience, au goût et à la toxicité. Donc, comme je disais au départ, si le signal est abondant, il va être plus souvent essayé par plus de prédateurs. Et donc, plusieurs espèces toxiques peuvent avoir intérêt à ce qu'une autre espèce vienne se joindre à la danse et participe aussi à l'apprentissage du prédateur, même si elle est un tout petit peu moins toxique ou même nettement moins toxique. Et justement, comme disait Marianne, les études actuelles ne concluent pas toujours sur la nature de la relation entre des espèces de toxicité différentes. Mais nous, on a effectué des expériences où on peut montrer que des niveaux de toxicité, de concentration en toxines très différents peuvent aboutir à la même réponse chez les prédateurs, par exemple. Donc, par exemple, on a fait des expériences en proposant des niveaux de toxicité différente, des proies de niveau de toxicité différente à des poussins, et on a regardé quelles étaient les proies qu'ils apprenaient le plus vite, et en fait ils apprennent à la même vitesse, quelle que soit, en quelque sorte, même chez des proies qui ont des toxicités très différentes. Mais ça veut pas dire, on transpose pas forcément ça tel quel à la situation naturelle, et effectivement, comme disait Marianne, il y a énormément de variables sur l'apprentissage qui influencent l'apprentissage et l'audace des prédateurs en ce qui concerne les proies qui vont attaquer. Il y a une question qui se pose aussi vis-à-vis de ce mimétisme mullérien, c'est que si on suit la logique mullérienne jusqu'au bout, dans un écosystème particulier, finalement, s'il y a une forme d'alerte physique, pour reprendre l'alerte le cas des papillons, c'est-à-dire de marquage de couleurs très vives qui éloignent les prédateurs, eh bien, on peut imaginer que l'évolution étant ce qu'elle est, tous les papillons, toutes les espèces de ce biotope vont tendre vers l'efficacité maximale. Mais c'est toujours évidemment avoir une pensée un peu finaliste de l'évolution qui ne fonctionne pas comme ça, Marianne Elias. Alors, là, c'est pas une question de finalisme. Je pense que la sélection naturelle, dans des modèles simples, on observe effectivement une convergence totale de toute une communauté d'espèces vers le même signal. Mais dans les faits, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est très intriguant. C'est vraiment paradoxal. Donc à la fois, on peut observer une convergence très très forte entre des espèces qui appartiennent à des familles qui ont divergé il y a plus de 100 millions d'années. Donc ça veut dire que la sélection, elle est suffisamment forte pour produire ça. Et en même temps, on peut observer des signaux très différents, donc des motifs aposématiques, puisqu'on a dit tout à l'heure, c'était ces motifs qui avertissent, hein, ces couleurs. Ça peut être très différent entre espèces plus proches et qui coexistent. Donc si la sélection, elle est capable d'aboutir à une telle convergence, pourquoi est-ce que toutes les espèces qui sont au même endroit ne convergent pas? Et en fait, une des réponses à ça, c'est peut-être qu'en fait, dans une même localité, c'est pas un environnement homogène, mais on peut avoir une mosaïque de ce qu'on appelle des micro-habitats. Donc par exemple, la canopée ou le sous-bois, ou des petites collines, parfois il y a des petits reliefs, des collines, des petits ruisseaux, et tout ça, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Ça peut être dans une petite parcelle de forêt qui fait quelques centaines de mètres carrés. Et donc, c'est vrai que si on se promène dans une forêt comme ça, on lève les yeux et puis on voit des papillons tigrés avec du noir, du rouge et du orange. Et plus bas, on peut voir des papillons avec que du jaune et un peu de noir et plus transparent. On peut voir des papillons qui n'ont pas de jaune du tout. Enfin, voilà. Et en fait, si on considère que cette parcelle de forêt, c'est une mosaïque de microhabitats, et si les prédateurs, qui sont essentiellement des oiseaux, sont ségrégés entre ces microhabitats, par exemple, certaines espèces d'oiseaux insectivores vivent surtout en canopée et d'autres surtout en sous-bois, alors il n'y a pas vraiment de sélection pour que les espèces de papillons qui volent en canopée et celles qui volent en sous-bois se ressemblent. Et du coup, avec plusieurs collaborateurs, on a testé cette hypothèse en Amazonie équatorienne. Et on a pu donc caractériser les microhabitats des oiseaux insectivores et des papillons. Et on a remarqué qu'effectivement, il y avait cette ségrégation à une échelle très très fine. Ce qui fait qu'on ne la remarque pas forcément quand on marche. Mais bon, on s'est donné la peine aussi de grimper dans les arbres pour voir ce qui volait en canopée. Et en canopée, par exemple, on trouve des espèces alors, qui volent aussi un peu plus bas. Mais par contre, on ne trouve jamais certaines espèces qui sont plus au ras du sol. Mathieu Joron, sur cette notion effectivement de microhabitat qui peut être là aussi juste lié à un moment donné à un effondrement, à un trou dans la jungle amazonienne parce que 5 arbres sont tombés et ça rouvre d'un seul coup à d'autres types d'espèces et donc ça crée ces microhabitats en permanence. Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que les prédateurs peuvent avoir des exigences ou des préférences de microhabitat très très étroites, donc être très exigeants, et on les trouve que dans un seul microhabitat. Et je pense que pour revenir à une des questions qu'on posait au début de l'émission sur la différence entre les tropiques et les milieux tempérés, c'est que les tropiques ont plus d'insectivores spécialisés et plus d'insectivores extrêmement sédentaires. Et donc ça peut être aussi un des facteurs qui explique que les prédateurs, et surtout s'ils sont sédentaires, ils connaissent très très bien ce qui est autour d'eux dans les quelques centaines de mètres qui les entourent. Mais c'est pas forcément l'expérience qu'a un autre de leurs congénères 200 mètres plus loin, qui peut avoir en quelque sorte une expérience différente et connaître une faune différente. Et donc on n'a pas forcément besoin, il suffit que des prédateurs, des individus prédateurs aient des expériences différentes pour pouvoir stabiliser un signal mimétique chez les proies dans un endroit et un autre signal mimétique dans un autre endroit. Donc ce qui se passe au niveau des microhabitats, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, mais en plus avec des caractéristiques écologiques qui se rajoutent à ça, et donc ça peut-être expliquer effectivement une bonne partie de la variation. Et puis parfois, en fait, ces groupes cohérents proies-prédateurs peuvent bouger. En fait, on voit ça j'avais vu un exemple aussi en préparant cette émission, dans les plateaux des Andes. C'est-à-dire parfois il suffit que le modèle bouge de quelques dizaines, de centaines de mètres en altitude pour que d'un seul coup tout l'écosystème remonte en fait avec, et du coup que ces insectes apprennent à changer de niche écologique. Alors, je pense que ça prend quand même un peu de temps pour changer de niche écologique, surtout de la part d'insectes, parce que contrairement aux oiseaux qui peuvent peut-être décider d'aller un peu plus haut, Les insectes, c'est plus par sélection, donc ça prend plusieurs générations. En tout cas, c'est vrai qu'avec les changements climatiques, clairement, on observe une remontée en altitude des faunes dans les Andes. Il y a des espèces qu'on n'observait jamais, par exemple à Quito ou à Bogota, et qui font leur apparition. Et que c'est quand même compliqué pour un insecte herbivore comme les papillons de changer d'habitat. Je pense que tous les insectes n'ont pas forcément la même tolérance au changement, parce que quand on change d'habitat, bah, ok, peut-être qu'on suit un peu la température, mais il y a aussi les précipitations qui peuvent changer. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui changent en même temps, et donc c'est pas forcément évident de s'adapter à ces changements-là. Et c'est une des menaces en fait des changements climatiques actuels. Dans les montagnes, en fait, les faunes et la flore des montagnes peuvent peut-être s'adapter beaucoup moins vite en fait qu'ailleurs. On parle beaucoup de d'écosystèmes lointains, tropicaux, andins, montagnards, etc. Vous l'avez dit d'ailleurs au tout début de cette émission, autour de nous, dans des climats tempérés par exemple, effectivement, le nombre d'espèces mimétiques de la guêpe est certainement ce qu'on peut observer le plus facilement. Il y en a vraiment beaucoup, et dans tous les domaines animaux, c'est-à-dire que c'est à la fois des mouches, des papillons, il y a vraiment une très très grande variété, puisque la guêpe est certainement pas très agréable pour n'importe quel type d'oiseau à manger, et pas seulement pour les êtres humains. Mathieu Charon. Oui, alors effectivement, les guêpes sont très désagréables à manger. Enfin, je n'ai pas essayé de les manger, mais la piqûre de la guêpe est vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux. Et donc, énormément d'oiseaux ont une peur ou une aversion innée de la guêpe. Donc, en fait, c'est comme si la guêpe était extrêmement toxique par rapport à notre propos depuis tout à l'heure. Elle possède une défense chimique, en fait, c'est un venin, qui est extrêmement puissant. Et du coup, le nombre d'espèces mimes qui peuvent en quelque sorte être protégées par la piqûre de la guêpe est assez grand, et donc il y a énormément d'espèces de mouches etc. Pour lesquelles la sélection a favorisé une apparence qui ressemble aux guêpes. Voilà. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a aussi du mimétisme mullérien chez les hyménoptères, donc l'ordre qui contient les guêpes, les abeilles, les bourdons, les frelons, et qu'il y a des ressemblances entre abeilles et guêpes, guêpes et frelons, etc. Donc, c'est vraiment un système, je pense, qui est assez complet du point de vue mimétisme. On a du mimétisme mullérien entre hyménoptères qui ont cet aiguillon venimeux, et du mimétisme batésien de la part donc, de mouches, de papillons, qui permettent de bénéficier de cette protection. Et pour conclure, revenir pour nos papillons, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, il y a aussi une question qui est intéressante qui se pose autour de la notion de transparence des ailes. C'est-à-dire, quand on ajoute en plus aux questions liées au mimétisme, celles liées, en l'occurrence, au camouflage. Voilà, alors là, c'est encore un autre paradoxe. Il y a un certain nombre d'espèces de papillons toxiques et qui représentent aussi du mimétisme, qui ont parfois des ailes partiellement transparentes. Et c'est assez surprenant parce que, en général, le mimétisme et donc l'aposématisme auquel il est associé, ça met en jeu un signal. Quand c'est un signal visuel, c'est un signal coloré très, très puissant, enfin très, très contrasté, avec des couleurs vives. Il y a eu pas mal d'expériences qui ont démontré que plus le signal était contrasté, coloré, etc., mieux il était appris, plus facilement il était appris par les prédateurs. Et donc c'est un peu bizarre de voir que dans des systèmes comme ça, on a de la transparence qui émerge, sachant que la transparence, elle est plutôt associée à du camouflage. Et donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est vraiment du camouflage ou pas, etc. Et donc, c'est des questions qui sont en train d'être étudiées en ce moment. Enfin, moi, je participe à ça avec des collègues physiciens. Mmh. Et effectivement, il semblerait que les espèces qui ont des ailes transparentes sont moins perceptibles, mais pour autant, elles ne sont pas moins toxiques. Ça veut dire qu'il nous reste encore pas mal de choses à apprendre sur ces questions liées au mimétisme. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission pour nous permettre de faire le point sur ces questions tout à fait passionnantes. Merci beaucoup, Marianne Elias, merci Mathieu Joron, d'être venu nous expliquer tout ça. Comme toujours, à cette émission, vous pouvez la réécouter à l'envi, la podcaster dans votre téléphone ou l'écouter dans votre voiture. Bref, tout ça, ça se passe soit sur vos applications de podcast favorites, soit bien sûr franceculture.fr, et avec, comme toujours, tous les liens à retrouver quand vous le souhaitez, jour et nuit, sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Tob Hundenstock, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Et dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, nous irons un peu plus près du Soleil pour parler d'une petite planète à la fois très chaude d'un côté mais très froide de l'autre, une planète à propos de laquelle, eh bien là aussi, on sait encore finalement assez peu de choses. Il y aura question de Mercure, on se retrouve demain pour en parler à 16h, jusqu'à preuve du contraire.